إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Chers auditeurs, pour cette dernière rencontre, nous allons méditer, incha'Allah ta'ala, sur un récit très riche en leçons et en enseignements qui concerne un homme du peuple de Moussa alayhi salam à qui Allah subhanahu wa ta'ala avait donné de très grandes richesses. Cet homme s'appelait Qaroun et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné son récit dans Surat al-Qasas à partir du verset 76. Il dit à son sujet: Inna Qaroun kana min qawmi Moussa fabagha alayhim. Qaroun était certes du peuple de Moussa, mais il transgressa envers eux. Qaroun faisait donc partie des enfants d'Israël. Certains ont même dit que c'était le cousin ou l'oncle paternel de Moussa alayhi salam. Toutefois, Qaroun fit preuve de transgression envers les siens, car il fut pris de vanité en raison des grandes richesses qui lui avaient été accordées. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُزْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. Nous lui avons donné des trésors dont les clés étaient lourdes pour tout un groupe de gens forts. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné tellement de richesses que pour porter les clés de ces trésors, près de 10 hommes devaient se réunir. On parle bien ici seulement des clés de ces trésors. Alors que dire des trésors et des richesses qu'il possédait qui étaient immenses? Voyant sa vanité et sa transgression à leur égard, des gens de son peuple lui dirent afin de l'exhorter et le conseiller: La tafrah, ne te réjouis pas. Inna Allah la yuhibbul farihin, car Allah n'aime pas les arrogants. C'est-à-dire, ne sois pas pris de vanité et d'orgueil. Ne te vante pas de l'opulence et la vie de luxe que tu mènes, et ne t'en réjouis pas, car elle te distrait de l'au-delà. Et Allah n'aime pas les orgueilleux, Allah n'aime pas les arrogants, Allah n'aime pas ceux qui s'enflent d'orgueil et de vanité. Il lui dit ensuite, continuant de le conseiller et de l'exhorter: وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. C'est-à-dire que les nombreuses richesses que tu possèdes doivent être un moyen pour toi de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir son agrément. Recherche donc ce qu'il y a auprès d'Allah. Dépense une part de tes richesses en aumônes et dans les œuvres de bienfaisance afin d'obtenir l'agrément de ton Seigneur. Ne te contente pas d'utiliser tes richesses dans la satisfaction de tes désirs, le suivi de tes passions, car tout ceci est éphémère et ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleur et plus durable. Ils lui dirent ensuite: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part de ce bas monde. C'est-à-dire que nous ne te disons pas de dépenser tous tes biens et toutes tes richesses en aumône au point de te trouver démuni sans aucun bien et sans aucune richesse. Mais dépense une part de tes biens dans ce qui te permettra d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et profite de ta vie présente d'une façon raisonnable qui ne porte pas atteinte à ta religion et ne nuit pas à ta vie dans l'au-delà. Telle est la manière modérée d'utiliser ces richesses ici-bas. Ils lui dirent ensuite: Wa ahsin kama ahsana Allah ilayk. Et sois bienfaisant comme Allah a été bienfaisant envers toi. Il lui rappelle ici une chose importante. C'est que ces richesses qu'il possédait sont un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant vers lui en lui accordant. Il doit donc à son tour faire preuve de reconnaissance et être bienfaisant en offrant une part de ses richesses aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel doit être le comportement de celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé d'un bienfait. Il ne doit l'attribuer qu'à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Être conscient de cela, faire preuve de reconnaissance et à son tour être bienfaisant envers les gens. Ensuite, ils lui dirent: Wala tabaghil fasada fil ard. Et ne recherche pas la corruption sur terre. Inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Car Allah n'aime point les corrupteurs. C'est-à-dire, ne sois pas un corrupteur, ne sème pas la corruption sur terre en t'enorgueillissant et en agissant de façon contraire à ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, comme en utilisant tes richesses dans les péchés et les mauvaises actions, en oubliant que ces richesses sont un bienfait qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne doivent donc pas être utilisées dans les péchés, mais elles ne doivent être utilisées que dans le bien et les bonnes actions. Et Allah n'aime pas les corrupteurs. Au contraire, les corrupteurs, ils sont sous la menace d'un dur châtiment. Ils lui adressèrent donc cette exhortation immense, afin de le rappeler à l'ordre, de le faire revenir à la raison, et qu'il se rende compte qu'il ne lui convenait pas de faire preuve d'orgueil et de vanité. Mais Qarun ne fut pas sensible à cette exhortation. Il s'enfla encore plus d'orgueil, et il dit « Innama utituhu ala ilmin indi ». C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. C'est-à-dire qu'il renia le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il prétendit que ses richesses lui avaient été accordées grâce à ses connaissances des manières d'obtenir des gains et de gagner de l'argent, ou alors grâce à son intelligence. Et ceci est une manière de renier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été donné une autre explication de ce verset qui dit: c'est par une science que je possède que ceci m'est venu, c'est-à-dire du fait qu'Allah sait que j'étais digne de posséder ces richesses et que je les méritais. Il pensa donc que ces richesses étaient un signe de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il pensait que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de l'un de ses serviteurs, alors il le comble de richesses comme il l'avait comblé. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset: Awalam ya'lam. أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens, et les criminels ne sont pas interrogés sur leurs péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait périr des générations bien plus fortes et bien plus riches que Qarun. Qu'est-ce qui empêche donc que Qarun, outre que lui parmi les corrupteurs orgueilleux, soit anéanti comme l'ont été ceux qui l'ont précédé, à partir du moment où ils commettent le même péché que ceux qui les ont précédés ont commis? Qu'ils s'enflent d'orgueil, renient les bienfaits d'Allah, ne font pas preuve de reconnaissance envers Allah. Qarun n'était donc pas à l'abri du châtiment. Mais il s'entêta dans sa transgression, et il s'entêta dans sa vanité, et ne prêta pas attention à ce conseil et à cette exhortation, car il était imbu de sa personne. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet: فخرج على قومه في زينتي. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. C'est-à-dire qu'il arriva un jour, paré de tous ses atours et de toutes ses richesses, qu'il étala devant eux, en se pavanant sous leurs yeux, au point de susciter chez certains d'entre eux de la jalousie, et chez d'autres la réprobation de son acte et de sa situation. Les gens se divisèrent donc en deux groupes à son sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Ceux qui aimaient la vie présente, c'est-à-dire ceux dont les cœurs étaient attachés à ce bas monde et qui aspiraient à ce bas monde. Ils dirent: si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Qarun. Ils l'enviaient. Ils auraient aimé posséder les mêmes bienfaits et les mêmes richesses. Ils dirent ensuite: il a été doté certes d'une immense fortune. En effet, s'il n'y avait pas de vie après celle d'ici-bas, on aurait pu dire qu'il aurait vraiment été favorisé. Car il aurait pu jouir de ses richesses pleinement dans ce bas monde, comme bon lui semblait. Mais ce bas monde est éphémère. Ce bas monde a une fin. Et quelles que soient les richesses que l'homme possède ici-bas, il ne tirera réellement profit de celles-ci que s'il les utilise dans le bien et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun aura à rendre compte de ses œuvres et de ce qu'il accomplissait dans ce bas monde. Mais nombre de gens sont indifférents à cela, se laissent tromper par ce bas monde, alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a avertis dans son noble livre dans de multiples versets, que ce bas monde n'est que jouissance trompeuse. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet du deuxième groupe, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, tandis que ceux à qui le savoir a été donné, ceux qui savaient la réalité des choses, ceux qui regardaient ce bas monde sous son aspect réel, en lui donnant sa juste valeur, sans se laisser tromper par ses apparences comme les premiers, ceux auxquels le savoir a été donné dire وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Malheur à vous, il les blâme. Il blâmait ceux qui se laissaient tromper par les biens vils de ce bas monde. Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, car celui qui croit, qui a la foi et qui œuvre dans le bien, il trouvera dans ses adorations, dans ses œuvres, dans son retour vers Allah, un plaisir qu'aucun riche mécréant de ce bas monde ne pourra ressentir. Le croyant ici-bas, même s'il vit dans la pauvreté, même s'il vit dans les difficultés, il ressent un plaisir dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et ses œuvres de bien. Il ressent un bien-être que ceux dont les cœurs sont attachés à ce bas monde ne peuvent ressentir. Et telle est la rétribution du croyant qui œuvre dans le bien ici-bas. Et dans l'au-delà, il aura une rétribution bien meilleure que les richesses de ce bas monde. Il aura le paradis, un paradis éternel, dans lequel il aura tout ce que son âme désire, tout ce qui réjouit les yeux, ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur d'un homme ne peut s'imaginer. Il n'y a pas de doute que cette rétribution est bien meilleure que des richesses éphémères qui ont une fin et qui vont disparaître tôt ou tard. Donc, ces gens qui avaient de la science rappellent au premier groupe que la rétribution d'Allah, la récompense d'Allah, est bien meilleure que ce que vous désirez parmi ces biens vils de ce bas monde. Mais il n'y a pas de doute que ceci n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est conscient de cela. Et ce n'est pas tout le monde qui a la force de faire prévaloir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des désirs et des passions de son âme. C'est pour cela qu'ils leur dirent ensuite وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent, ceux qui patientent en contraignant leur âme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, à délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui endurent face aux décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui patientent et délaissent ce que leur âme désire si cela s'oppose à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui délaissent leurs passions et leurs désirs, si celles-ci les écartent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, si celles-ci les écartent de la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés dans ce bas monde. Et pour cela, il faut faire preuve de patience. Et celui qui fait prévaloir cela, qui ferait prévaloir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de ce bas monde qui est éphémère, alors il en trouvera sa récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ici-bas, comme on a dit, car il ressentira un bien-être que nul autre que le croyant ne peut ressentir. Et dans l'au-delà, il recevra la récompense du paradis. Après cela, étant donné que Qarun s'entêta dans son orgueil et sa vanité, il fut pris d'un châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Il fut rétribué en fonction de ses œuvres. Étant donné qu'il s'enorgueillissait, qu'il se pensait supérieur, qu'il était imbu de sa personne, qu'il méprisait les serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rabaissé. Et il fut englouti par la terre, lui et sa demeure. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, il ne put se secourir lui-même. Étant donné qu'il se pensait supérieur, Allah l'a rabaissé et l'a fait engloutir par la terre. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. Et ceux qui la veille souhaitaient être à sa place, ceux qui admiraient ce bas monde et étaient émerveillés par ses richesses, ceux qui étaient attachés à cela, ils se mirent à dire Il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Ils ont compris que les richesses accordées à Qarun n'étaient pas un signe de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne de ce bas monde à qui il veut parmi ses serviteurs, à titre d'épreuve et de tentation. Ensuite, ils dirent: Laoula amanna Allahu alayna la khasafa bina. Si Allah ne nous avait pas favorisés, c'est-à-dire en ne nous châtiant pas pour nos propos et pour notre admiration de Qarun, il nous aurait certainement fait engloutir. Il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Ils comprirent que les richesses, aussi nombreuses soient-elles, elles ne peuvent rien contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les mécréants ne réussiront pas. Aussi riches soient-ils, aussi comblés de bienfaits soient-ils ici-bas, ils ne réussiront pas. Sauf s'ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala, délaissent leur orgueil, leur vanité, et suivent le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant ne doit donc pas admirer les biens de ce bas monde et ne pas se laisser tromper par cela, et se rappeler que l'au-delà est meilleur et plus durable. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant: Tilkad darul akhiratu naj'aluha Cette demeure dernière, l'au-delà, le paradis, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Ceux qui ne sont pas orgueilleux, ceux qui ne sèment pas la corruption par les péchés et les mauvaises actions, et l'heureuse fin appartient aux pieux. La bonne fin est pour les pieux, pour les vertueux. Quel que soit ton rang social, quelles que soient les richesses que tu possèdes ou non, la fin heureuse est pour les pieux, ceux qui se soumettent aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et délaissent les interdits d'Allah. Man jaa bil hasana falahu khayrun minha. Celui qui viendra avec une bonne action, il aura meilleur que cela encore. Sa bonne action, elle sera décuplée. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina 'amilu sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Et celui qui viendra avec les mauvaises actions, qu'il sache que ceux qui commettent des mauvaises actions ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis. On voit à travers cela la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et son équité. Sa grâce, car celui qui fait le bien, il le récompense en fonction de son œuvre, et mieux encore, il décuple la récompense de ses bonnes actions. Et celui qui fait le mal, il le rétribue seulement en fonction de ce qu'il a commis, à hauteur de ses mauvaises actions. Nul ne sera lésé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc que ce récit est très riche en leçons et en enseignements. Premièrement, on tire comme leçon de ce récit que la richesse est une épreuve. Il se peut que nombreux parmi nous, lorsqu'ils se retrouvent dans une situation de pauvreté ou de difficulté, ils se rendent compte que cela est une épreuve. Mais ils n'ont d'autre choix face à cela que de patienter et d'endurer leur situation. Mais tu dois savoir que la richesse et les biens de ce bas monde, ce sont aussi une épreuve. Car Allah subhanahu wa ta'ala les donne à ses serviteurs à titre de tentation, afin de les éprouver, afin de voir qui parmi eux sera reconnaissant et qui parmi eux sera ingrat. Donc celui qui a été favorisé et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé des biens de ce bas monde, il doit se rappeler de cela, se rappeler que c'est une épreuve. Ne pas se vanter, ne pas être pris d'orgueil, ne pas être imbu de sa personne, et ne pas se laisser distraire par ses richesses au détriment des œuvres de bien qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième leçon, le deuxième enseignement, c'est l'obligation d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, en lui attribuant à lui seul ses bienfaits. Tu ne dois pas renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu dois être conscient que les bienfaits dont tu jouis dans ce bas monde, ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne les as pas obtenus en raison de ton intelligence, tu ne les as pas obtenus en raison de ton savoir-faire, tu ne les as pas obtenus car tu es meilleur qu'un autre, mais c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait partie de la reconnaissance envers Allah que tu ne lui attribues ses bienfaits qu'à lui seul, en étant conscient qu'ils proviennent d'Allah. Tu ne dois pas être imbu de ta personne et penser que ses richesses ou ses biens, tu ne les as obtenus que par tes efforts ou par ton savoir-faire. Et cela est valable pour tous les autres bienfaits, pas seulement pour les richesses. Si par exemple quelqu'un a des facilités dans l'apprentissage de la science, il ne doit pas se vanter et être imbu de lui-même. Il doit se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a favorisé par ce bienfait. Il ne doit pas dire: moi j'ai appris car j'ai fait des efforts. Grâce à mes efforts, j'ai réussi à faire ceci et cela. Non. grâce à Allah, c'est grâce à Allah que tu as réussi à atteindre tel ou tel objectif. Tu dois sans cesse te rappeler de cela. Et tu dois prendre garde à ne pas renier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala en les attribuant à autre que lui, comme en les attribuant à ta force, à ton intelligence, à tes efforts, ou à un tel ou un tel qui aurait pu te donner ceci ou cela. Et je vous invite, pour plus de détails à ce sujet, à revenir au chapitre qui traite de cette question dans l'explication de Kitab al-Tawhid. Le troisième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est une orientation sur la manière d'utiliser ses richesses. Il est important pour le croyant d'avoir en tête qu'il n'est pas attendu de lui qu'il cherche à amasser des gains et des richesses seulement dans le but de les posséder. Mais en tant que croyant, tu dois avoir un objectif plus noble que cela. Si tu travailles ou que tu as un commerce ou autre parmi les moyens de gagner des biens de ce bas monde. Avant de penser à ce que tu vas pouvoir faire parmi les plaisirs de ce bas monde, tu dois penser au bien que tu pourras faire avec cet argent. Tu dois penser à le dépenser sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Penser à accomplir ton obligation vis-à-vis de ces biens, verser la zakat obligatoire et faire suivre cela d'aumône surérogatoire, en donnant une part de tes biens aux pauvres et aux nécessiteux. Également, tu dois te rappeler que lorsque tu subviens à tes besoins, aux besoins de ta famille, ceci fait également partie des dépenses sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toutes les dépenses que tu fais pour ta propre personne, tes vêtements, ta nourriture, ta boisson, ton logement, et également les dépenses que tu fais pour ton épouse, pour tes enfants, pour les gens qui sont à ta charge, tout ceci fait partie des dépenses sur le sentier d'Allah. Et il y a en cela une récompense immense. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: entre un dinar que tu dépenses sur le sentier d'Allah, pour le combat, la lutte sur le sentier d'Allah, un dinar que tu dépenses dans l'affranchissement d'un esclave, un dinar que tu donnes en aumône à un pauvre, et un dinar que tu dépenses pour ta famille, alors le plus immense en termes de récompense est celui que tu dépenses pour ta famille. Allahu Akbar. Voyez ces récompenses desquelles nous pouvons parfois être distraits. Il est important de se rappeler cela et de dépenser nos richesses avec sincérité et en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu ne fais certes aucune dépense en recherchant le visage d'Allah, c'est-à-dire en étant sincère, sans que tu sois récompensé pour cela. Toute dépense que tu fais sincèrement pour rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé pour cela. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: même la nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse, tu es récompensé pour cela si tu es sincère. Donc le croyant, il doit voir à travers ses richesses un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas seulement un moyen de satisfaire ses désirs, ses envies et ses passions. Mais tu dois prendre garde de ne pas les utiliser dans le péché et les mauvaises actions, mais les utiliser seulement dans le bien. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfant d'Adam dit: mes biens, alors que tu n'as de tes biens que ce que tu as mangé et qui est ainsi réduit à néant, ou ce que tu as porté comme vêtements et que tu as ainsi usé, ou ce dont tu as fait aumône et que tu as ainsi préservé. Médite sur ce hadith immense. Beaucoup de personnes sont soucieuses de leurs biens, de ce qu'ils possèdent. Mais médite sur ce que tu possèdes réellement de ces biens. Soit tu les manges, c'est-à-dire que tu t'achètes de la nourriture, donc ces biens sont ainsi réduits à néant. Soit tu les portes, car tu t'achètes des vêtements qui finiront usés. Soit tu en fais aumône. Et lorsque tu en fais aumône, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit quoi? Tu les as ainsi préservés. Tu ne dois pas penser que les aumônes, elles diminuent de tes biens. Certaines personnes, ils ont du mal à faire des aumônes. Ils pensent que s'il possède 1000 et qu'il donne 100, ses richesses vont diminuer. Mais en réalité, ces 100-là que tu as donnés en aumône, tu les as en réalité préservés pour ton au-delà. Tu vas les retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu les as dépensés sincèrement pour lui, dans une œuvre de bien. Alors que si tu les avais dépensés dans la nourriture, dans les vêtements, ils auraient été réduits à néant. Et donc, il n'y a que ce que tu as dépensé sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu retrouveras au jour de la résurrection et qui te sera profitable. Tu ne dois donc pas être insouciant à cela et te comporter convenablement si Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de richesses ici-bas. Il n'est pas interdit d'être riche. Il n'est pas interdit de profiter des plaisirs licites de ce bas monde. Toutefois, ton cœur ne doit pas être attaché à cela. et tu dois faire prévaloir ce qui te sera utile dans l'au-delà. Le quatrième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est que les richesses ou les bienfaits de manière générale ne sont pas un signe de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala accorde des biens de ce bas monde aux croyants comme aux mécréants, aux pieux comme aux pervers. Donc ce n'est pas parce qu'une personne est riche ou qu'un pays vit dans l'opulence qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ses habitants. Au contraire, il leur donne de ses bienfaits afin de les conduire encore plus à leur perte. Regardez ici Qarun. Il a été comblé de tous ses bienfaits, ça l'a conduit à quoi? Ça l'a conduit à la vanité. Ça l'a conduit à l'orgueil, à se sentir supérieur aux autres. Et comment il a fini? Englouti sous terre. Donc ne pense pas que si tu es pauvre ou que tu es dans la difficulté, cela veut dire qu'Allah ne t'aime pas. Au contraire, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un peuple, il les éprouve. Les gens les plus éprouvés, ce sont qui? Ce sont les prophètes, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Donc le fait d'être privé de richesses ou de bienfaits mondains, cela ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas son serviteur. Et inversement, le fait d'être comblé de richesses ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ce serviteur dont il a comblé de ses bienfaits et de ses richesses. Le cinquième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est l'importance du bon conseil. Vous voyez ici comment les gens du peuple de Qarun se sont empressés de le conseiller lorsqu'ils ont vu qu'il était pris d'orgueil et de vanité. Et également, on voit comment ceux à qui la science a été donnée se sont empressés également de conseiller ceux qui admiraient Qarun. Donc le bon conseil, comme on l'a vu dans d'autres cours, c'est une cause pour réussir ici-bas et dans l'au-delà. Et il est nécessaire pour nous de sans cesse nous enjoindre le bien et la vérité. Si tu vois ton frère ou si tu vois ta sœur commettre un faux pas ou emprunter un mauvais chemin, tu dois le rappeler à l'ordre. Imagine-toi que tu le vois marcher en direction d'un fossé. Ne l'avertirais-tu pas afin qu'il ne se jette pas dans ce fossé? Alors que dire de celui qui avance sur un chemin vers l'enfer? Un enfer éternel, au châtiment douloureux. Il n'y a pas de doute qu'il est plus en droit que tu l'avertisses et que tu le rappelles à l'ordre. Tu ne dois pas le laisser cheminer sur ce chemin, mais tu dois l'en empêcher de le rappeler à l'ordre. Et également, en ce qui concerne le conseil, il est important, lorsqu'on te le porte, de l'accepter. Et ceci est le sixième enseignement que l'on tire de ce récit. C'est que l'orgueil, ou le fait de se sentir supérieur aux gens, la vanité, ce sont des causes qui mènent la personne à rejeter la vérité, à ne pas accepter les conseils. Regardez Qarun, il se pensait supérieur à son peuple. Ils l'ont conseillé d'une exhortation immense, qui aurait dû attirer son attention et le faire revenir sur la voie de la vérité. Malgré ça, il s'enfla encore plus d'orgueil. Et son orgueil l'a empêché d'accepter la vérité. Donc on voit une fois de plus le danger de l'orgueil, qui, comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consiste à rejeter la vérité et à mépriser les gens. Le septième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est que la vie d'ici-bas est éphémère. Aussi nombreuses soient ses richesses, aussi abondants soient les bienfaits dont peut être comblée une personne, ceux-ci vont disparaître, tôt ou tard. Donc le croyant, il ne doit pas admirer ceux qui possèdent les richesses de ce bas monde. Et il ne doit pas les envier, d'autant plus s'ils sont mécréants ou pervers. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, notamment avec l'apparition des réseaux sociaux, admirer ce qu'ils appellent des influenceurs, qui leur exposent leurs richesses à longueur de journée, leur maison, leur voiture, leur lieu de vacances, et ainsi de suite. Et beaucoup de jeunes, ou de moins jeunes peut-être, passent leur journée à regarder ces images et ces vidéos. Et ils les envient. Ils envient le train de vie qu'ils mènent dans l'opulence, la vie de luxe, les richesses, et ainsi de suite. Oubliant que, en grande majorité, ces gens sont des mécréants ou des gens affiliés à l'islam, mais qui sont dans les péchés et les mauvaises actions. Ils ne sont pas dans une situation qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Le seul riche que tu peux envier, c'est celui qui dépense ses biens dans l'obéissance à Allah. Si tu vois un frère qui est riche et qui dépense ses richesses dans le bien et les bonnes actions, alors celui-ci tu peux l'envier. Dans le sens où tu aimerais être riche comme lui pour pouvoir dépenser tes biens de la même manière que lui. Non pas qu'il perde ses bienfaits, mais tu aimerais être dans la même situation que lui car il fait du bien avec ses richesses. Mais ces gens-là qu'ils se pavanent et s'exposent sur les réseaux sociaux, qui montrent leur maison, qui montrent leur voiture et qu'ils s'en vantent, ceux-là ils sont dans un égarement évident. Tu ne dois pas les envier. Et crois-moi que leur vie n'a rien d'enviable. En réalité, elle n'est en rien à envier. Pour la plupart d'entre eux, Ils ont la poitrine serrée. Ils ne trouvent pas le bonheur. Ils ne trouvent pas le bien-être ici-bas. Pourquoi? Car ils sont loin du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le bien-être ici-bas, il ne peut se trouver que par l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le délaissement des péchés et des mauvaises actions. Le bien-être, il ne se trouve pas dans une belle voiture et dans une belle maison. Ceci peut rendre heureux le croyant, à condition qu'il soit pieux. Mais si la personne est dans les péchés, les mauvaises actions, la mécréance, la perversion, elle ne trouvera pas le bien-être dans ces choses, même si elle pense l'avoir trouvé. Elle ne fait que se faire leurrer par le diable et par ce bas monde. Donc ceci est un point important, une leçon importante à retenir de ce récit. Regardez ces gens qui admiraient Qarun et qui auraient aimé être comme lui. Lorsqu'ils l'ont vu englouti sous terre, ils ont compris que Qarun était dans l'égarement. Donc de la même manière, toi, rappelle-toi lorsque tu vois ces riches, ces personnes qui se vantent de leur richesse, rappelle-toi qu'ils finiront tôt ou tard sous terre et que ces richesses ne leur seront d'aucun profit s'ils ne les ont pas utilisées dans le bien et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le huitième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est le mérite de la science et des gens de science. Regardez comment ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la science ont réagi face à cette situation. Ils ne se sont pas contentés de porter leur jugement sur les apparences, mais ils ont vu plus loin que cela. Et tels sont les gens de science, qui, comme l'ont mentionné certains parmi nos pieux prédécesseurs, voient les troubles arriver avant qu'ils ne surviennent, en raison de leur science et de leur perspicacité. Tandis que les ignorants, ils ne voient les troubles qu'une fois qu'ils sont partis. Regardez les ignorants ici. Ils ne se sont rendus compte de leur erreur qu'une fois que Qarun fut englouti. Alors que ceux qui avaient la science, ils les ont prévenus auparavant. Ils ont su que ceci n'était d'aucun profit à Qarun, étant donné sa vanité et son orgueil. Donc ceci doit nous pousser à faire des efforts dans la recherche de la science, car celle-ci nous permettra de distinguer entre le vrai et le faux, entre ce qui est profitable et ce qui est nuisible, et ainsi de suite, mais également à respecter les gens de science, à revenir à eux, à écouter leurs conseils et leurs orientations. Il se peut parfois que une personne de science donne un conseil ou une orientation et que tu ne te rendes pas compte de la valeur de cette orientation, en raison de ton ignorance, car lui, il sait beaucoup de choses que tu ne sais pas et que tu ignores. Donc, accroche-toi aux conseils des gens de science et notamment les grands savants de cette communauté, qui ont une perspicacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordée et qui leur permet d'orienter les gens vers les bons choix à prendre, notamment lors de l'apparition des troubles et des discordes. Enfin, le neuvième enseignement que l'on tire de ce récit, c'est que la bonne fin est pour les pieux. Comme on l'a mentionné à travers de multiples récits lors de cette série de cours, la bonne fin est pour les pieux. Ne t'afflige pas si tu vois que tu es éprouvé. Ne t'afflige pas si tu vois que les mécréants vivent dans le luxe et l'opulence et qu'ils ont autorité dans de nombreux endroits sur les musulmans. Ne t'afflige pas si tu vois que les mécréants, ici ou là-bas, sont injustes envers les musulmans et leur causent du tort. La bonne fin est pour les pieux. La bonne fin est pour les pieux. Et les mécréants, s'ils meurent sur leur mécréance, ils subiront de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un châtiment douloureux. Et les croyants seront honorés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils subissent des épreuves ici-bas. Donc fais preuve de patience. Et ta patience t'aidera à faire face aux différentes épreuves ici-bas. Et tu en obtiendras une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé la méditation de ce récit. Et ainsi terminé cette série de cours sur les récits du Coran, bien que les récits soient encore nombreux, et peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera une autre occasion pour méditer sur d'autres récits, inshallah ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous, et non pas contre nous au jour de sa rencontre, ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.